Sébastien regarde encore une fois si la voie est libre. Oui, c'est bon. Les amis se consacrent à leur match de foot et Alex porte les restes du pique-nique dans le car. À l'abri de hauts buissons et d'arbres, ils descendent le pré en direction de la grange. Sébastien regarde sans arrêt autour de lui. Il est inquiet. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demande Julien, incertain. « Je veux seulement être sûr que personne ne nous voit. » Mais ce qu'il n'avoue pas, c'est la peur affreuse à la pensée de se trouver soudain en face du meurtrier. Il est trempé de sueur froide. Julien semble deviner ses pensées. Il règne un silence de mort. Seuls, des broussailles épaisses les séparent de l'endroit de l'horreur. Ils sursautent au moindre bruit. Une branche qui craque sous leurs pas, un oiseau qui s'envole. « On ne peut pas passer par ici. Il faut passer par la route !» chuchote Sébastien. Les alentours de la grange ne sont vraiment pas bien entretenus. Partout, les mauvaises herbes poussent et des murs sauvages rendent l'accès à la grange très difficile. « Regarde, des traces !»« Quelqu'un est venu ici il n'y a pas si longtemps !» chuchote Julien. Après avoir hésité un moment, Sébastien et Julien prennent leur courage à deux mains et se glissent jusqu'à la grande porte en bois de la grange. Sébastien a les mains qui tremblent quand il saisit le verrou lourd. Il est fermé à clé. On l'utilise souvent. Le métal est tout poli, remarque Sébastien. Reviens, supplie Julien qui soudain ne se sent pas très bien. Mais ce type ne va pas revenir tout de suite, réplique Sébastien qui essaie de regarder à l'intérieur de la grange pour découvrir le secret. Tu vois quelque chose dans la grange ? Dit Julien à voix basse. La poussière danse dans la lumière terne. Et différents ustensiles de jardinage se dessinent vaguement dans la pénombre. Je crois qu'on voit mieux de là-bas. Les fentes entre les planches sont plus larges. Encore hésitant, Julien suit son ami. Sébastien scrute par la fente. Il ouvre la bouche pour crier, mais aucun son n'en sort. Juste devant lui, sur une grande table de bois à côté d'une scie, il y a un grand couteau souillé de sang frais. Derrière, une hache est appuyée contre un billot en bois brut. Quelle horreur ! Pendant quelques secondes, les jambes de Sébastien se dérobent sous lui. Il pense qu'il va s'évanouir. « Vite, partons !» s'écrie-t-il. Et pris de panique, il se met à courir. Il heurte une vieille brouette et les épines des murs sauvages laissent des traces sanglantes sur ses bras et ses jambes. Haletant et complètement essoufflé, Julien le suit en trébuchant. « Vous voilà, enfin !»« De quoi est-ce que vous avez l'air ?» demande Alex. « Nous avons cueilli des mûres sauvages près de la grange, là-bas, » répond Sébastien. « Et là, vous avez rencontré un monstre, ou Barbe Bleue !» dit Thierry en riant. « Ça suffit maintenant !» peste Alex. « On vous attendait pour partir. Montez dans le car !» « Vous deux ?»« Je ne veux pas vous reprendre à faire quelque chose d'interdit, compris ?»« Sans cela, je préviens vos parents. » La tête basse, Sébastien et Julien s'installent à leur place.